n'était pas un homme. Il était le vent, le feu, le cri des tribus. Les tambours rondaient quand il est venu, les flèches se sont levées. Chaque rue.